la ville grise. J'ai vécu en suivant les règles, j'ai grandi comme une photocopie, comme mon père m'a dit, dans la ville grise. Tu étais bien sage à l'école, et l'ennui d'une zuppe de Paris t'a jeté à la vie. Derrière ces bâtiments de crasse, y'a des yeux qui se cachent, des feuilles décollées des lois, des gens qui pensent à notre place, qui cherchent comment nous trépaner, à changer nos rires en grimaces dans la ville grise. Ces tentacules nous observaient, cependant qu'ensemble on prenait le métro sinistre dans la ville grise. Nos regards se sont échangés, la couleur s'est posée sur nos joues et nos cœurs ont vibré. Chaque jour je quittais ton visage et tu recherchais le mien. Nos pensées s'étaient emmêlées, s'attarder dans les couloirs, on était souvent en retard, à trop rêver d'être libre dans la ville grise. Un jour je ne t'ai plus rencontré, j'ignore ce que la ville t'a fait, cette ville grise, dans la ville grise. Je suis comme ces millions de robots, j'ai repris le travail au service de la ville grise, dans la ville grise. Sa vie et son âme, cette ville triste, cette ville grise. Pour des bandes d'asphalte et de verre, cette ville.